بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا نواصل ونختم بإذن الله تعالى هذا الدرس في الأصول الثلاثة. Donc nous continuons et inshallah nous terminons ce cours dans les trois fondements. Et avant de continuer, un frère m'a rectifié sur la traduction de la sourate Al-Muddathir, que j'ai traduit par l'enveloppée. En fait, l'enveloppée, c'est la sourate Al-Muzammil, la sourate d'avant, qui est la sourate 73. Quant à la sourate Al-Muddathir, c'est-à-dire c'est le revêtu d'un manteau. Le revêtu d'un manteau. Taïb. إذا توقفنا عند الكلام عند قول المصنف رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Donc nous nous étions arrêtés au passage dans lequel l'auteur dit que après cela le prophète صلى الله عليه وسلم a été ordonné de faire d'émigrer vers Médine. ثم يقول والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Puis ensuite donc l'auteur nous dit الهجرة, la hijra, l'émigration, c'est de quitter une terre de mécréance pour aller vers une terre d'islam. وقد ذكر العلماء زيادة على هذا التعريف أن الهجرة كما قال هي الانتقال من دار الشرك أو من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وزادوا أو الانتقال من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن وهذا التعريف الثاني زاده الإمام النووي رحمه الله وبه يصح إطلاق الهجرة على هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. Donc dans la définition de la hijra, de l'émigration, l'auteur a dit c'est le fait de quitter une terre de mécréance pour aller vers une terre d'islam. Et certains savants, notamment Al-Nawawi rahimahullah, ont rajouté à cela une autre chose dans la définition de la hijra, de l'émigration, et ils ont dit ou bien c'est le fait de quitter une terre dans laquelle tu es en insécurité pour aller vers une terre où tu seras en sécurité. De quitter une terre d'insécurité pour aller vers une terre de sécurité, dans laquelle tu seras en sécurité. Et de là, nous pouvons donc appeler ce que les compagnons du prophète, lorsqu'ils sont partis en Abyssinie, on peut donc l'appeler hijra, émigration. On peut donc appeler ça une hijra. Ils ont émigré en Abyssinie, car ils ont quitté la Mecque, qui était une terre de mécréance dans laquelle ils étaient opprimés, dans laquelle ils n'étaient pas en sécurité, pour aller vers une terre qui était également une terre de mécréance. L'Abyssinie était une terre de mécréance, mais c'était une terre de mécréance dans laquelle ils étaient en sécurité. Et c'est pour ça que le Négus, qui était donc le roi d'Abyssinie, le Négus, a accordé asile aux musulmans lorsqu'ils sont arrivés en Abyssinie. Et il leur a dit qu'ils pouvaient traverser son pays sans problème et qu'ils pouvaient rester dans son pays sans problème, sans craindre que quiconque ne puisse leur faire du mal. Donc, la hijra, c'est le fait. La définition donc de la hijra, c'est le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam, ou bien le fait de quitter une terre dans laquelle tu es en insécurité pour aller vers une terre dans laquelle tu seras en sécurité. Wa amma itlaqul hijra ala ma hasala min al-muslimin haythu kharaju min biladihim min bilad al-islam wa dhahabu ila bilad al-kufri. فهذا لا يسمى هجرة من الناحية الشرعية وإنما هي هجرة من الناحية اللغوية لكن من حيث الشريعة لا يصح أن يقال إن هذه هجرة. Donc, quant au fait de dire, hein, quand les musulmans ont quitté les pays musulmans pour venir vers les pays d'Europe, notamment les pays de mécréants en Europe, et d'ailleurs, ceci ne doit pas être appelé une émigration, ne doit pas être appelé une hijra. Car d'un point de vue religieux, ce n'est pas considéré comme une hijra. Car la hijra, d'un point de vue religieux, comme nous avons dit précédemment, c'est de quitter une terre de mécréance pour une terre d'islam, non pas le contraire. Donc, ce que les musulmans ont fait lorsqu'ils ont quitté leur pays pour aller vers les pays d'Europe, en France, en Angleterre, en Espagne, en Hollande, etc., en Belgique, ceci, d'un point de vue religieux, n'est pas considéré comme une hijra. Certes, d'un point de vue linguistique, on peut appeler ça une hijra, une émigration, car ils se sont déplacés, mais d'un point de vue religieux, ce n'est pas considéré comme une hijra. Très bien. ثم قال المصنف رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Et il dit donc que l'émigration, la hijra, est une obligation sur cette communauté. Il est une obligation sur les musulmans d'émigrer, de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter les terres de mécréance pour aller vers les terres d'islam. Ceci est une obligation religieuse. Et cette obligation restera jusqu'à la fin des temps. L'obligation de quitter les terres de mécréance pour aller vers les terres d'islam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah dit إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وكان الله عفوا غفورا. Donc, la preuve de l'obligation de la hijra, la preuve de l'obligation de l'émigration, de quitter les terres de mécréance pour aller vers les terres d'islam, c'est le verset dans lequel Allah dit « Ceux dont les anges viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, les anges leur diront « Où en étiez-vous » C'est-à-dire « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Ils répondront, nous étions impuissants sur terre, c'est-à-dire nous ne pouvions pas pratiquer notre religion. Alors les anges leur diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ceux-là, ceux qui n'ont pas fait la hijra, ceux-là, leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. À part les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'ont pas de moyens et qui ne trouvent pas et qui ne connaissent pas le chemin, qui ne trouvent pas de chemin pour émigrer. Alors ceux-là, les faibles, les impuissants, alors ceux-là, il se peut qu'Allah leur pardonne. Et certes, Allah est le grand pardonneur. Quand tu dis les faibles, c'est-à-dire... يأتي إن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب قال البغوي رحمه الله في هذه الآية وغيرهم من أهل العلم قالوا نزلت هذه الآيات في قوم نطقوا بالإسلام ولم يهاجروا نطقوا بكلمة الإسلام ولكنهم لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بقوا بين المشركين بمكة. Donc l'imam al-Baghawi et d'autres parmi les savants ont dit au sujet de ce verset qu'il a été descendu il a été descendu par rapport à des gens qui sont rentrés dans l'islam mais qui n'ont pas émigré, qui n'ont pas été rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, mais ils sont restés parmi les associateurs à la Mecque. ولما خرج المشركون الى بدر خرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين معهم فقتلوا وفيهم نزلت هذه الآية. Donc ces musulmans qui donc n'avaient pas émigré lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, les associateurs, les mouchriquines de la Mecque, les ont pris avec eux de force pour aller combattre les musulmans. Donc ils étaient dans les rangs des mécréants. Ils étaient dans les rangs des mécréants à la bataille de Badr, alors qu'ils étaient musulmans. Et certains parmi eux ont été tués. Et c'est alors qu'Allah SWT a descendu ces versets. Ceux dont les anges viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Ils étaient injustes envers eux-mêmes car ils avaient la capacité de faire la hijra, ils avaient la capacité d'émigrer vers Médine, mais ils ont préféré rester à la Mecque, de telle sorte qu'ils se sont retrouvés dans ce problème. Lorsque les mécréants ont voulu combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont partis donc pour aller combattre le prophète, ils ont pris avec eux ces musulmans, de force. Donc c'est pour cela qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, car ils ont dû combattre les musulmans. Ils ont dû combattre les musulmans alors qu'ils auraient pu éviter cela s'ils avaient fait la hijra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, a descendu ces versets sur ces gens-là. Ceux dont les anges viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, les anges leur diront: où en étiez-vous à propos de votre religion? Hal kuntum ma'al muslimin Am kuntum ma'al mushrikin? Est-ce que vous étiez avec les croyants ou avec les musulmans ou est-ce que vous étiez avec les mécréants? Et là ils disent: nous étions impuissants sur terre. Nous n'avions pas la capacité d'éviter cela. On ne pouvait pas pratiquer notre religion, on ne pouvait pas éviter de partir avec eux. Ils nous ont forcés à sortir avec eux. Alors les anges leur disent: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Vu que vous saviez que vous ne pouviez pas pratiquer votre religion et que vous viviez au milieu des mécréants et vous aviez une terre qui était prête à vous accueillir, mais pourquoi vous n'avez pas émigré? Pourquoi êtes-vous resté dans cette terre de mécréance? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ce verset que leur excuse n'est pas valable. Que leur excuse n'est pas valable. Car la terre d'Allah était vaste et ils pouvaient émigrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a excusé que les impuissants. Que les véritables impuissants qui n'avaient pas de moyens pour faire la hijra et qui ne trouvaient pas de chemin pour les emmener à la hijra, à Médine. فَعُذْرُهُمْ فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ. Donc les gens qu'Allah SWT a excusés, ce sont ceux qui ont quoi? Qui ont une de deux excuses. Une de deux excuses. Yarhamukallah. La première excuse, c'est عَدَمُ الْإِمْكَانِيَ. Celui qui n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de partir. Soit parce qu'il n'a pas d'argent... pour pouvoir se payer un billet, pour pouvoir voyager et arriver à une terre d'islam. Soit il n'a pas la capacité de supporter un voyage. Il n'a pas la capacité de supporter un voyage à cause de. Peut-être parce qu'il est trop vieux ou parce qu'il est trop petit. Donc il ne supporte pas le voyage. Un voyage pour lui, c'est une difficulté énorme. Donc celui-là également, il rend celui qui n'a pas la capacité de faire la hijra, qui ne trouve pas de moyens pour faire la hijra, qui n'a pas les moyens de faire la hijra. Ou quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est gravement malade et qui doit se faire soigner, qui a besoin de soins particuliers, qui ne trouvera pas dans le pays musulman. Qu'il ne trouvera pas dans le pays musulman. Également, celui-là rentre dans celui qui n'a pas les moyens de faire la hijra. Car il a besoin de soins particuliers qu'il ne trouve que dans le pays de mécréance dans lequel il est. Donc ceci est une des premières excuses valables. Celui qui n'a pas les moyens. Soit qui n'a pas les moyens financiers ou qui n'a pas les moyens physiques. Qui n'a pas les moyens financiers ou qui n'a pas les moyens physiques de quoi de faire la hijra, d'émigrer. Et la deuxième excuse valable, adamu ma'rifati at-tariq, le fait de ne pas connaître le chemin. Et rentre là-dedans le fait de ne pas avoir une terre d'accueil. Une terre musulmane d'accueil. Celui qui n'a pas de terre musulmane prête à l'accueillir, celui-là également est semblable à celui qui ne connaît pas le chemin. Est semblable à celui qui ne trouve pas de chemin pour faire la hijra. Il ne trouve pas de moyens pour pouvoir faire la hijra. Car il n'y a pas de terre musulmane qui est prête à l'accueillir, à lui donner une carte de résidence. Idhan, إذا لم يكن عند المسلم ما يمكنه من الهجرة أو كان عنده لكن لا يعرف الطريق لا يعرف كيف الوصول إلى بلاد الإسلام هذا لا تجب عليه الهجرة. Donc celui, نعم, si jamais le musulman n'a pas les moyens de faire la hijra, ou bien qu'il ne connaît pas, ou bien il a les moyens mais il ne trouve pas de terre d'accueil. Il ne trouve pas de terre d'accueil. Eh bien, cette personne-là, la hijra n'est plus une obligation pour lui. Mais il doit continuer à chercher. Il doit essayer de quitter cette terre dans laquelle sa religion est en péril. Il doit essayer de quitter cette terre dans laquelle sa religion est en péril. Et s'il pense que lui-même pourra supporter et pourra pratiquer sa religion, qu'il sache assurément que ses enfants seront en grand danger, que ses enfants seront en grand danger et qu'il ne pourra pas tout gérer, surtout dans des pays comme le pays dans lequel nous vivons, un pays qui t'empêche d'éduquer tes enfants conformément à la religion musulmane, qui prend tes enfants 8 heures par jour, de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Ton enfant est chez eux et ils le forment comme ils veulent. Est-ce que tu crois que ton enfant, en rentrant de l'école à 17 heures, est-ce que tu crois que ton enfant après sera opérationnel pour apprendre sa religion? Après 8 heures dans une école, il est fatigué, il rentre de l'école, il est fatigué. Donc l'enseignement, la plus grande partie de l'enseignement qu'il reçoit, c'est un enseignement mécréant. C'est un enseignement mécréant. Et l'enseignement religieux que tu lui donnes est minime. Donc il est en grand danger. Et si demain cet enfant sort de l'islam, ou que cet enfant ne fait pas la prière, tu auras une part de responsabilité là-dedans. Tu auras une part de responsabilité là-dedans. Et le jour, qu'Allah nous en préserve tous, le jour où ta fille viendra et te ramènera un petit copain, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Car dans cette société, la mixité est une chose normale. Et le fait d'avoir un petit copain et une petite copine est quelque chose de normal. Et celui qui n'a pas de petit copain ou petite copine est considéré comme quelqu'un de bizarre, d'étrange. Donc réfléchis bien. Et rends-toi compte que tu es en danger. Que ta religion est en danger, est en péril dans ce pays. Et rends-toi compte que la religion de ta descendance est en péril. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum naran, wa qudduha an-nas wal hijara. Allah nous dit, ô vous qui croyez, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. D'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Tu as un devoir de te préserver, de préserver ta religion et de préserver tes enfants et la religion de tes enfants. Donc, comme nous disions, celui donc qui n'a pas les moyens financiers et physiques, et celui qui n'a pas de terre d'accueil, celui-là est excusé. Celui-là est excusé d'un point de vue religieux sur le fait de ne pas faire la hijra. Quant à celui qui a les moyens physiques et financiers, et qui a une terre d'accueil, comme les personnes qui ont la double nationalité. Si tu vas dans ton pays, tu es en règle. Tu ne seras pas clandestin. Et tu as les moyens de te payer un billet. Et même certains ont des maisons. Certains ont des maisons dans leur pays. Ils ont tout ce qu'il faut. Il n'a juste à faire quoi ? Qu'à payer un billet d'avion. Ou un billet de bateau. C'est encore moins cher. Hatta que certains savants ont dit, même si tu n'as pas d'argent pour payer un billet d'avion ou un billet de bateau, eh bien tu vas à pied ou en vélo pour montrer le danger dans lequel tu es lorsque tu vis parmi les mécréants. Car tu vas subir l'influence des mécréants, tu vas prendre certaines de leurs habitudes. Tes enfants vont prendre certaines de leurs habitudes. Ils vont voir le mal autour d'eux, apparent. Nous ne disons pas que dans les pays musulmans, les gens sont tous des anges. Nous ne disons pas que dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, il y a du péché, il y a de la perversion. Mais cela reste encore caché à un certain degré. Ceci reste encore caché à un certain degré. Tu ne vois pas, comme ici, tu marches avec tes enfants et tu vois une publicité, Wal'iyadu billah, de sous-vêtements féminins. Tu ne sais même pas où mettre ton regard. Et ceci n'est qu'un exemple. Et les exemples là-dessus sont indénombrables. Donc, Al-Muhim, celui qui a les moyens physiques et financiers, et qui a une terre d'accueil, celui-là est une obligation pour lui de quitter la terre de mécréance afin de préserver sa religion. Puis s'il dit, mais comment je vais vivre là-bas? Je n'ai pas de travail là-bas. Nous lui disons, de la même façon que tu t'es efforcé ici pour trouver du travail, pour trouver ta subsistance, de la même façon là-bas tu vas travailler, tu vas t'efforcer pour trouver du travail. Tu restes ici parce que tu touches le RMI. Enfin, je crois maintenant c'est le RSA. Naam ? Tu restes ici parce que tu as des aides. La CMU. Et tout ce que tu veux comme aide. Comme ils disent, tu vis balache. Tu vis gratuitement. Tu vis gratuitement. Tu manges. Tu te loges. Hein? Tu te soignes. Même, tu peux même faire des extras. Tu peux même faire des extras, subhanallah. Et tu fais rien. Tu ne travailles pas. La yakun al-muslimu hakada. Le musulman n'est pas ainsi. Al-muslim lahu izza. Le musulman a une fierté. Le musulman a une fierté. Le musulman n'est pas un mendiant. Le musulman s'efforce de trouver du travail pour nourrir et subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et toutes ces aides, ce sont des appâts. Ce sont des appâts par lesquels les mécréants nous pêchent. Ils nous pêchent pour nous retenir dans ce pays. Et tu deviens un assisté. Tu deviens un assisté. Et c'est pour cela que nous voyons que beaucoup de musulmans en France, on voit chez eux de la faiblesse dans le fait de placer sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawakkul ala Allah azza wa jal da'ifun lada muslimi fransa. Limadha? لأنهم يعيشون في بلد يوفر لهم كل ما يحتاجون إليه عند الحاجة. Pourquoi? Nous voyons que les musulmans donc ont du mal à placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils vivent, les musulmans de France, parce qu'ils vivent dans un pays qui leur donne tout ce qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نبيع الدين بالدنيا نحن نبيع الدين بالدنيا أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باعوا الدنيا بالدين فقد باعوا الدنيا بالدين. Nous vendons notre religion. Nous vendons notre religion pourquoi? Pour avoir un profit du bas monde, pour avoir un profit mondain. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vendu et ont délaissé ce bas monde. Pourquoi? Pour préserver leur religion. Là est toute la différence. Là est toute la différence. Est-ce que ta religion est plus importante que ta vie? Médite le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. À lui seul. Les sahaba radhiyallahu anhum, ils ont subi toutes sortes de persécutions. Juste pour que quoi? Pour que cette religion nous parvienne au jour d'aujourd'hui. Ils ont tout subi pour que cette religion nous parvienne au jour d'aujourd'hui. Et nous voyons aujourd'hui les musulmans qui ne prêtons pas attention à cette religion et qui faisons des concessions de notre religion et qui délaissons notre religion. Est-ce que ces gens-là ont fait des sacrifices pour rien? Est-ce qu'ils se sont sacrifiés pour rien? Sache que cette religion aura la victoire avec ou sans toi. Cette religion aura la suprématie avec ou sans toi. Cette religion triomphera avec ou sans toi. Si tu suis cette religion, ce n'est que pour toi-même. C'est dans ton propre intérêt. Et si tu délaisses ta religion ou tu fais des concessions dans ta religion, eh bien, c'est toi qui en subiras les conséquences. Donc, sois parmi ceux, comme a dit Isa, ou comme a dit Allah Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Donc, ô vous qui croyez, soyez les alliés d'Allah, tout comme Isa a dit à ses apôtres, qui sont mes alliés pour Allah? Alors ces apôtres ont dit, nous sommes les alliés d'Allah. Une partie des gens, une partie donc des enfants d'Israël ont cru en lui et une autre partie a mécru en lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à ceux qui ont cru sur ceux qui ont mécru, sur leurs ennemis. Donc cette religion triomphera, quoi qu'il arrive. Et ceci est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, est-ce que tu triompheras? Si tu veux triompher, alors pratique ta religion et préserve ta religion et fais passer ta religion avant toute chose. Même si tu dois, ta religion passe avant toute chose, même si tu dois souffrir, même si tu dois vivre de la misère, même si tu dois être malade. Le fait de préserver ta religion est plus important que tout cela. Préserver ta religion est plus important que l'argent. Préserver ta religion est plus important que le confort. Préserver ta religion est plus important que la santé. Car la santé, l'argent et le confort, ces choses-là sont éphémères. Elles te servent sur terre, puis c'est fini. Alors que ta religion te servira sur terre et dans l'au-delà. Donc, fais prévaloir ce qui doit être mis en avant, à savoir ta religion. ثم قال الإمام رحمه الله وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. Et également, parmi les preuves de l'obligation de la hijra, de l'immigration vers les pays musulmans, le verset dans lequel Allah dit « Oh mes serviteurs qui avaient cru, certes ma terre est vaste, alors adorez-moi. » Al-Barawi, qui était un exégète du Coran, dit que la raison pour laquelle ce verset a été descendu, ce sont des musulmans qui étaient à la Mecque et qui n'ont pas émigré. Allah les a interpellés au nom de la foi. Et si vous êtes vraiment croyants, alors émigrez. Et également parmi les preuves de la hijra mina sunna. Wa dalilu ala al-hijrati mina sunna qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba. Wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Et donc également parmi les preuves de la hijra, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la hijra existera tant que le repentir existera. Ou la hijra ne s'arrêtera pas tant que le repentir ne s'arrêtera pas. Et le repentir ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. C'est-à-dire, هذا دليل على استمرار وجوب الهجرة ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة والهجرة واجبة على المسلمين. Donc ceci est une preuve que la hijra, l'émigration, est une obligation continuelle et perpétuelle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْآذَانِ وَالْجِهَادِ وَالْأَمْرِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Puis donc l'auteur continue, il nous dit: et une fois que donc le prophète Hassan s'est installé à Médine, alors il lui a été ordonné le reste des obligations de l'islam, telles que la zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, l'adhan, l'appel à la prière, le jihad, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et bien d'autres choses parmi les obligations de l'islam. Donc, Il reste là ainsi pendant 10 ans à Médine, à pratiquer ses obligations religieuses. وَبَعْدَهَا تُوْفِيَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Et après cela, il mourut. Donc il vivait 13 ans à Mecca, 13 ans à la Mecque, et 10 ans à Médine, après la prophétie. Après la prophétie, il vivait 13 ans à la Mecque, et 10 ans à Médine. Ceci donc fait 23 ans, ce sont les 23 ans de la prophétie. Et avant cela, 40 ans à la Mecque. Ce qui fait donc qu'il est mort à 63 ans. وَدِينُهُ بَاقٍ. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort, mais sa religion reste. Sa religion reste et sa religion est toujours vivante. وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهِ. Et sa religion, dans sa religion, il n'a pas laissé un bien sans nous l'indiquer. Et il n'a pas laissé un mal sans nous mettre en garde contre lui. وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Et le bien auquel il a appelé sa communauté, c'est le tawhid, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, et également de tout ce que Allah aime et agrée. Le bien auquel il a appelé, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'Allah aime et agrée comme acte et parole. Et le mal contre lequel il l'a mis en garde, c'est le shirk, d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'Allah déteste et refuse. Ba'athahu Allah ila an-nasi kaffa. Allah l'a envoyé à toute l'humanité. Wa aftarada ta'atahu ala jami'i al-thaqalayn al-jinn wal-ins. Et Allah a ordonné à toutes les créatures de lui obéir. وَدَلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah dit au prophète Hassan, il lui dit: dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous, je suis le messager d'Allah envoyé pour vous tous. Je suis le messager, dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé pour vous tous. وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. Et Allah a complété par lui, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a complété la religion. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah nous dit: certes, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. C'est le verset dans lequel Allah nous dit, il s'adresse au prophète, il lui dit: certes, tu vas mourir. Et eux aussi, ils vont mourir. C'est-à-dire, toutes les créatures vont mourir. وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Et les gens, après être morts, Allah va les ressusciter. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela, c'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Allah nous dit: c'est d'elle que nous vous avons créé, c'est-à-dire de la terre. C'est de la terre donc que nous vous avons créé. Et nous vous y ferons retourner. Puis nous vous ferons en sortir une autre fois. Et également l'autre verset dans lequel Allah s'en a dit: Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Donc Allah vous a fait sortir de la terre, puis il vous y fera retourner, puis il vous en fera sortir une autre fois. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. Puis une fois que les gens seront ressuscités, ils seront jugés et récompensés en fonction de leurs œuvres. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah SWT nous dit وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. C'est-à-dire, c'est à Allah qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, afin qu'il récompense ceux qui ont mal agi en fonction de leurs œuvres, et qu'il récompense ceux qui ont bien agi par le paradis. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ. Et celui qui mécroit à la résurrection est un mécréant. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah SWT nous dit زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Et la preuve que donc celui qui ne croit pas à la résurrection est un mécréant. La preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah nous dit ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis plutôt par mon Seigneur, vous serez ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous avez fait. Et ceci est très facile pour Allah. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. Et Allah a envoyé tous les prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Yani annonciateurs, c'est-à-dire ils ont annoncé le paradis pour celui qui les suit. Et avertisseurs, ils ont averti les mécréants du châtiment de l'enfer. والدليل قوله تعالى. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset qu'il a envoyé des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin que les gens n'aient plus d'excuses devant Allah après l'envoi des prophètes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes afin que les gens ne puissent pas trouver des excuses sur le fait qu'ils n'aient pas suivi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'est pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah a envoyé des prophètes, pour que les gens n'aient plus d'excuses. Car les prophètes ont montré le bien et ils ont montré le mal. Ils ont dit que celui qui va suivre le chemin du bien ira au paradis, et celui qui va suivre le chemin du mal ira en enfer. Donc les gens n'ont plus d'excuses après l'envoi des prophètes, car les prophètes ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il l'aura ordonné. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين. Donc le premier des prophètes, ou plutôt le premier des messagers, fut Nuh عليه السلام. Le premier des messagers était Nuh عليه السلام. Et le dernier fut Muhammad صلى الله عليه وسلم. Mohammed est le sceau des prophètes. Il n'y a plus de prophète après lui. Quant à Nuh, alayhi salam, c'est lui le premier des messagers qu'Allah a envoyé. Et Adam, alayhi salam, n'était pas un messager, mais il était un prophète. Adam, alayhi salam, n'était pas un messager, mais il était un prophète. Il était un prophète, non pas un messager. ثم قال ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. La preuve que Nuh était le premier des prophètes, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit nous t'avons certes fait une révélation comme nous avons fait une révélation à Nuh et aux prophètes qui sont venus après lui. Donc ceci est la preuve que Nuh, alayhi salam, était le premier des messagers. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasulan min Nuh ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya'muruhum bi'ibadati Allah wahdahu wa yanhahum 'an 'ibadati at-taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc chaque communauté à qui Allah a envoyé un prophète depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad, tous les messagers qu'Allah a envoyés aux hommes, tous les messagers appelaient les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et interdisaient aux gens d'adorer les fausses divinités. Tous les prophètes ont interdit le shirk et tous les prophètes ont appelé au tawhid. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah nous dit: nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire d'adorer Allah et de s'écarter des fausses divinités. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Et Allah a ordonné à toutes les créatures de mécroire aux fausses divinités et de croire en Allah. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Quelle est la définition du tagout? Car Allah SWT a ordonné donc de mécroire au tagout, de mécroire aux fausses divinités, de mécroire au tagout. Donc Ibn al-Qayyim nous explique qu'est-ce que le tagout, comment on définit un tagout. Il dit: un tagout, c'est toute créature qui dépasse sa limite, qu'il soit adoré ou suivi ou obéi. Nous allons expliquer cela. C'est-à-dire que le tagout, c'est une personne soit qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui accepte cela. Une créature qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui accepte que les gens l'adorent, cette personne-là est un tagout, car il a dépassé ses limites. Il a dépassé ses limites. Ses limites, c'est qu'il est une créature, non pas un dieu, non pas une divinité. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, quelqu'un qui est suivi dans la contradiction au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'obligation est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une personne vient et appelle à quelque chose qui contredit la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous le suivons, et bien cette personne-là est un tagout. Cette personne-là est un tagout. Il me semble que le mot tagout, ils le traduisent par tyran aussi également. Ils le traduisent par tyran. Mais tous ces termes-là, que ce soit fausse divinité et tyran, pour définir le mot tagout, ne sont pas corrects. Car le mot tagout englobe plusieurs choses, comme nous avons dit. Ça englobe celui qui est adoré en dehors d'Allah, et ça englobe celui qui est suivi dans la contradiction du messager d'Allah, et ça englobe également, troisième point, celui qui est obéi dans la désobéissance à Allah et à son messager. Celui qui est obéi dans la désobéissance à Allah et à son messager. Il leur donne quelque chose d'interdit, il leur donne un péché, et les gens le suivent. Les gens lui obéissent. Les gens lui obéissent là-dedans. Donc, cette personne-là également est un tagout. Et Allah SWT nous a ordonné de mécroire au tagout et de croire en lui, Allah SWT. Puis l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit: والتواغيت كثيرون. Il y a beaucoup de tawarit, il y a beaucoup de tagout. ورؤوسهم خمسة. Et les têtes des tagout sont cinq types de personnes. Cinq types de personnes, ce sont les têtes des tagout. Le premier, Iblis, la'natullahi alayh, qu'Allah le maudisse. Donc la tête, et lui c'est la tête des têtes, Iblis. C'est le premier des tagout et le dernier des tagout. Le deuxième, parmi les têtes des tagout, Man ubida wa huwa radin, celui qui accepte que les gens l'adorent. Celui qui accepte que les gens l'adorent. Le troisième, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Celui qui appelle les gens à l'adorer. Celui qui appelle les gens à l'adorer. Lui, il est encore pire que le premier. Le premier, il n'a pas demandé aux gens de l'adorer. Mais quand il a vu que les gens l'ont adoré, il a aimé cela et donc il a accepté cela. Il s'est conforté dans cette position. Tandis que le troisième, là, celui-là, lui, carrément, il appelle les gens à l'adorer. Il dit aux gens, adorez-moi. Comme l'a fait Pharaon, comme l'a fait Pharaon. Le quatrième, parmi les têtes des Tarout, Manidda'a shay'an min 'ilm al-ghayb, celui qui prétend connaître l'invisible. Celui qui prétend connaître l'invisible, ou les choses yani cachées, telles que les voyants, les médiums et consorts, les astrologues et autres. Tous ces gens-là sont des Tarout et nous ne devons pas les croire. Nous ne devons pas croire à ce qu'ils disent. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque va voir un devin, puis qui lui pose des questions et qui croit à ce qu'il lui dit, eh bien cette personne-là a certes mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad. Cette personne-là est un mécréant. Celui qui croit les devins, les voyants et consorts, cette personne-là est un mécréant. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah nous dit: nul parmi ceux qui sont sur la terre et dans les cieux, nul parmi ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'invisible, à part Allah. Il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible. Il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible. Donc celui qui croit au devin, il a mécru à ce verset. Et également, parmi les choses, j'en profite là pour insister sur un point, qui est l'astrologie. Qui est une chose que beaucoup, dans laquelle beaucoup de musulmans malheureusement sont tombés. Ils lisent dans les journaux, dans le Télé Z, ou dans le Télé Star, ou je ne sais pas quoi, ils lisent la dernière page, la page astrologie. Qu'est-ce qui va se passer pour moi cette semaine? S'ils croient ce qui est dit dans l'astrologie, c'est un mécréant. Il est sorti de l'islam, même s'il fait la prière. S'il croit à ce qui est écrit dans ce chapitre, le chapitre de l'astrologie, il est sorti de l'islam, même s'il fait la prière. Et s'il n'y croit pas, mais qu'il dit, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'ils disent, eh bien, comme ceci est venu dans un hadith, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Il a juste voulu aller voir qu'est-ce qu'ils disent, juste comme ça, par curiosité. Pendant 40 jours, ces prières ne sont pas acceptées. Donc, il ne faut même pas aller regarder qu'est-ce qui est dit là-dedans, car c'est du n'importe quoi. Et également, si on te pose la question, quel est ton signe astrologique? Dis-leur, moi je n'ai pas de signe astrologique. Je n'ai pas de signe astrologique, moi je suis musulman, c'est tout. Je ne connais pas ni Balance, ni Scorpion, ni Sagittaire, ni Capricorne, ou ce que tu veux. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Donc fais attention. Certaines personnes ne prêtent pas attention. Des fois, on lui pose la question, quel est ton signe astrologique? Il dit, ouais, moi je suis Balance. Bien que cette personne ne lit pas l'astrologie, elle ne prête aucun intérêt à l'astrologie. Mais le fait de dire ça, déjà, est une erreur. Naam, je suis né au mois de décembre. Je suis né à la mi-décembre. Mais je ne suis pas Sagittaire. Si tu te poses la question, quel est ton signe astrologique, tu lui dis, moi je suis né telle date. Mais le signe astrologique, je n'ai pas de signe astrologique. Ceci est du n'importe quoi. Taïb. Le cinquième parmi les têtes des tarouts, Man hakama bi ghayri ma anzal Allah. Celui qui juge avec des lois qui contredisent la loi d'Allah. Et là-dedans, il y a un détail à apporter, une précision à apporter. C'est que celui qui juge avec des lois autres que la loi d'Allah, il se peut qu'il soit mécréant comme il se peut qu'il ne soit pas mécréant, tel que les savants l'ont défini. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, l'ancien grand mufti d'Arabie Saoudite, le grand savant qui faisait partie des revivificateurs de cette religion dans notre siècle, disait, en ce qui concerne celui qui juge avec des lois autres que la loi d'Allah, il y a quatre possibilités. La première possibilité, il juge avec autre que la loi d'Allah et il dit que cette loi est meilleure que la loi d'Allah. Il dit que les lois humaines sont meilleures que les lois d'Allah. Celui qui a comme croyance que ces lois-là, les lois humaines, sont meilleures que la loi d'Allah. Cheikh Ben Baz rahimahullah dit, celui-là est un mécréant. Celui-là est un mécréant. Car il a comme croyance que la loi humaine est meilleure que la loi d'Allah. Le deuxième cas de figure, celui qui dit que la loi humaine est égale à la loi d'Allah. Elles sont égales. Également celui-là, Cheikh Ben Baz dit que c'est un mécréant. Également celui-là, Cheikh Ben Baz dit qu'il est mécréant. Le troisième cas de figure, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, et il dit que la loi d'Allah est meilleure que sa loi. Mais il dit, j'ai quand même le droit de juger avec ma loi. J'ai le droit de ne pas juger avec la loi d'Allah. Il autorise le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Celui-là également est un mécréant, comme le dit Cheikh Ben Baz, car il a autorisé ce qu'Allah a interdit. Et celui qui autorise ce qu'Allah a interdit, ou qui interdit ce qu'Allah a autorisé, est un mécréant. Car le halal et le haram, hein, le licite et l'illicite, sont des jugements qui ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui décrète ce qui est licite et ce qui est illicite. Et si quelqu'un contredit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose-là, eh bien certes, il a mécru. C'est un mécréant. Donc, ce troisième point, c'est celui donc qui dit que la loi d'Allah est meilleure, mais il dit qu'il a quand même le droit de juger avec les lois humaines. Il dit que ceci est autorisé. On a le droit. Il n'y a rien qui l'interdit. Eh bien, celui-là est un mécréant. Le quatrième cas de figure, c'est celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Et il dit que la loi d'Allah est meilleure. Et il dit, je n'ai pas le droit de juger avec cette loi-là. Je sais que quand je fais cela, je suis dans le péché. Je sais que je commets un interdit. Mais, pour un intérêt personnel, il juge avec cette loi-là. Eh bien, celui-là n'est pas un mécréant, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Celui-là n'est pas un mécréant, mais c'est un désobéissant. Comme quelqu'un qui sait que le fait de voler est haram. Il sait que le vol est haram. Mais il vole. Il dit, je sais que j'ai pas le droit de voler, mais voilà, et c'est tout. Je vois un intérêt, moi, pour moi, et c'est tout à voler. Il sait qu'il est dans le péché quand il fait ça. Et il reconnaît qu'il est dans le péché. Donc celui-là n'est pas un mécréant. À l'unanimité des gens de la Sunna, des savants de la Sunna. Donc voilà le détail et la précision qu'il y a à apporter par rapport à celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Par rapport à ces règles-là, si une personne, on voit qu'il commet un acte comme ça, on lui dit, ton acte, il est tuteur d'islam ou bien tuteur d'islam? On juge l'acte en premier lieu. On juge l'acte en premier lieu. Et j'y arrive. Donc ceci est le détail par rapport à cette question, avec ces quatre cas de figure. Après cela, si on voit qu'une personne est tombée dans un des trois premiers cas, si un gouverneur est tombé dans un des trois premiers cas, nous n'avons pas de nous-mêmes à poser le jugement, car il y a des conditions pour poser le jugement de mécréance sur une personne. Il y a des conditions pour poser le jugement de mécréance sur une personne qui se dit musulmane. Et il y a des choses qui empêchent de descendre ce jugement. Comme quelqu'un qui serait ignorant. Quelqu'un qui est ignorant que ce qu'il a fait c'était un acte de mécréance, eh bien on ne pose pas sur lui le jugement de mécréance. On dit son acte est un acte de mécréance, mais lui n'est pas mécréant. Car il ne savait pas. Une fois qu'il a la science, on lui a appris, et qu'il persiste là-dedans, là, à ce moment-là, le jugement va descendre sur lui. Également, la mauvaise interprétation fait partie des choses qui empêchent de descendre le jugement de mécréance sur une personne. Et également, la contrainte, s'il est contraint à faire cet acte de mécréance. Comme le hadith de Ammar, lorsque les associateurs l'ont pris, lui et ses parents, et les ont persécutés pour les forcer à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'insulter le prophète est un acte de mécréance. Celui qui le fait sort de l'islam. Mais comme Ammar a fait cela sous l'effet de la persécution et de la souffrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ceci est une excuse valable. La persécution et la contrainte est une excuse valable pour faire un acte ou dire une parole de mécréance. Donc, il y a encore beaucoup d'autres choses à préciser sur cette question, et le temps nous est compté, nous ne pouvons pas nous étaler là-dessus, mais d'une façon générale, prends cette règle avec toi et comme ça tu seras à l'abri de toute ambiguïté. Le fait d'émettre un jugement de mécréance sur des personnes qui se disent musulmanes, et surtout si ces personnes sont des gouverneurs. Et surtout si ces personnes sont des gouverneurs, cela ne revient qu'aux savants et aux juges musulmans. Cela ne revient qu'aux savants et aux juges musulmans. Car ce sont leurs jugements à eux qui vont être effectifs. Ce sont les jugements des savants et les jugements des juges religieux musulmans. Ce sont leurs jugements à eux qui vont être effectifs, desquels vont découler toutes les conséquences de ce jugement. Quant au simple musulman, le fait que tu vas poser un jugement, tu es un simple musulman, tu vas poser un jugement de mécréance sur une personne, cela ne veut pas dire que cette personne, on va appliquer sur lui les règles de l'apostat. Les règles de l'apostat ne sont appliquées sur une personne que lorsque ce jugement est venu de la part des savants, reconnu et de la part des juges musulmans. Ou sinon, la porte est ouverte à tout le monde. Moi, je vais venir, je vais dire qu'un tel est un mécréant et je vais le tuer. Je veux dire qu'un tel est un apostat et je vais venir le tuer. Car le prophète s'en a dit, « Man baddala dinahu faqtulu » Le prophète s'en a dit, « Celui qui change sa religion, c'est-à-dire qui quitte l'islam pour rentrer dans une autre religion, alors tuez-le. » Parmi les jugements de l'apostat, c'est qu'il doit être exécuté. Mais cela revient au gouverneur. C'est au gouverneur de l'exécuter. Sinon, la porte est ouverte au grand désordre. Chacun va venir et va juger. Il va juger une personne qui est mécréant et il va venir et il va le tuer. C'est pour cela que les savants, et notamment Cheikh Saleh Ali Sheikh, c'est de lui que j'ai entendu cela. Il a dit que les règles de l'apostat ne sont applicables sur une personne que si ce jugement a émané d'une autorité religieuse ou une autorité politique. Donc, que les gens qui ont des ambiguïtés sur la question, les tekfiris, qu'ils restent à leur place. Qu'ils restent à leur place. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas rendu responsable de cela, ne vous a pas donné la responsabilité de cette chose. Cette responsabilité revient aux savants et aux juges religieux. طيب. ثم قال الإمام رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Donc la preuve que nous devons mécroire au tagout et que nous devons croire en Allah, c'est le verset de Sourate Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nulle contrainte en religion, certes le droit chemin s'est bien distingué du mauvais chemin. » Donc quiconque mécroit au tagout et croit en Allah, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Allah est certes l'audient et l'omniscient. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Et ceci est la signification de la إله إلا الله, comme nous avons dit précédemment. La إله, نعم, la إله, la négation. Tu nies toute divinité en dehors d'Allah سبحانه وتعالى. هذا هو الكفر بالطاغوت. Ceci est le fait de mécroire au tagout, c'est compris dans la إله. Et إلا الله, نعم, إلا الله, c'est l'affirmation qu'Allah est le seul vrai Dieu et le seul qui doit être adoré. Et ceci est la signification de la foi en Allah. C'est pour cela qu'il a dit que الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله. C'est pour cela que Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit que le fait de mécroire au tagout et de croire en Allah, c'est la signification de la ilaha illallah. La ilaha, mécroire au tagout. Illallah, croire en Allah. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Et dans le hadith, il a été rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la chose la plus importante est l'islam, et son pilier est la prière, et son summum est le jihad dans le sentier d'Allah. Et le combat dans le sentier d'Allah. Rasul Amr al-Islam. لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا بالإسلام. La chose la plus importante est l'islam. Pourquoi? Parce que nul ne rentrera au paradis si ce n'est un musulman. Celui qui est dans l'islam. Les seuls qui entreront au paradis, ce sont ceux qui sont musulmans. Donc c'est pour cela que le prophète a dit la plus importante des choses est l'islam. Car nul ne pourra entrer au paradis sauf avec l'islam. Wa amuduhu salat, et son pilier, le pilier de l'islam sur lequel il repose, c'est la prière. Fala islam liman la salata lahu. Donc il n'y a pas d'islam pour celui qui n'a pas de prière. Comme ceci a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui disait la hadza fil islam liman taraka as-salat. Celui qui délaisse la prière n'a aucune part dans l'islam. Et ceci est conforme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ma bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk wal kufri illa tarku as-salat. La seule chose qu'il y a entre l'homme et la mécréance et le shirk, c'est le délaissement de la prière. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Et le prophète, dans un autre hadith, il dit: la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire nous les musulmans et eux les mécréants, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Et donc, وَذِرْ وَتِسَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et le summum donc de l'islam, c'est le combat dans le sentier d'Allah. لأنه أعلى وأفضل شيء في الإسلام. Car c'est la chose la plus noble et la plus méritoire dans l'islam. Le jihad qui est conforme, hein, le jihad religieux reconnu par les savants, c'est la meilleure des choses en islam. Et celui qui fait le djihad a la meilleure récompense, aura la meilleure récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela qu'il a dit que c'est le summum de l'islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.